retour sur Rap à Gogo avec Jean-Baptiste Duval, yeah. Le plus grand des rappeurs québécois. Il pratique le rap canadien sec, en anglais le rap Canada Dry. Jean-Baptiste Duval. Oh yeah. Représente le 33, ma convention de Goya. Mes braqueurs de banque. Bah, bienvenue. T'entends, jeune drogué? Oui. Pute blanche, pute pute. Voilà. Même si t'as jamais tué un Cayenne, je me vendis un gramme de poudre. Alors à tous ceux-là qui te calotent la bouche, tu nous gosses. Laisse-leur savoir. Ouais. L'autre jour, chez Kimmore, je mets une blonde bonne. J'avais les yeux dans la graisse de Bim Bam. Amende son barbe, ça veut-tu pour 100$? Elle me dit, t'entends, jeune drogué? Tigue et doux, je lui dis, on se bloque pas besoin de poutine. Ouais, youpi. On se compte fleurette, puis direct, on se met à se bêquer. Les choses se passent de ce marine, c'est clair, jeune drogué. Du bien dans les oreilles. Est-ce de foutre, c'est le pain béni. Comme une maladie, ma juste chair. Ma tabernacle de colis, de crise de mort. À toi, JB. Pas de lac d'hostie, de sacrement de Saint-Cyboire. Pleu, pleu. Avec Aminette, on se clape comme une vieille paire de bombettes. Mon one année, j'ai retrouvé toute bourrite au milieu de ses pluchettes. Il me chaudait comme un chien chaud dans un jour. Roman grill. T'entends, je droguais. Allez. Alors j'ai dit, on regarde ça, ma tire. Sacre mouille, c'est comme pire, c'est des lames de Jean-Baptiste Duval. Comme ça se prononce. Yeah. On était là. Bien là.